sort tous les verres, le vieux Chianti, les boîtes de bière, la grande soupière, les salamis, on verra pas passer la nuit. Hey, ce soir on fête l'anniversaire de Marie-France et de Jean-Pierre. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Chérie, passe-moi ton tablier. Il y aura Françoise et puis Monelle à la bouquet. Il y a même des fleurs et un gâteau. Albert apporte les chandelles à la bouquet. Et le roi Philippe, le mordu de l'opéra, qui viendra nous faire des photos. Les voilà, c'est vous, quelle merveille. Par ici les manteaux, par là les bouteilles. Les amis des amis sont tous des amis. Plus on est de fous, ah, ah, plus on rit. Happy Week en hiver sur une moquette. C'est la fin, c'est la joie, la bonne franquette. Et ça fume et ça boit, ça chante et ça rit. Je peux vivre sans pain, mais pas sans amis. Y'a du mousse qui coule à flot, ça tangue comme sur un bateau. Dans l'atmosphère vaguement cosaque, Philippe recharge son Kodak. Hey, chérie, descend chez les voisins, va leur offrir un verre de vin. S'ils n'ont pas peur de la java, dis-leur qu'ils montent en pyjama. Bravo, quel arbre de Noël! À la bouquet! Y'a des lumières plein le gâteau. Jean-Pierre souffle les chandelles à la bouquet! Maintenant Philippe laisse tomber la caméra, chante-nous les noces de Figaro. Les voilà, c'est vous, quelle merveille! Par ici les manteaux, par là les bouteilles. Les voisins sont montés en chemise de nuit. On les applaudit, ce sont des amis. Albiqui en hiver sur une moquette. C'est la fin, c'est la joie, la bonne franquette. Et ça fume et ça boit, ça chante et ça rit. Je peux vivre sans pain, mais pas sans amis. Il est 3 heures après minuit. Salut Jacob, salut Julie. Bis à Tony, bis à Germaine. Allez Gilbert, à la prochaine. Au revoir, au revoir. C'était vraiment chouette vous avoir tous ici à la bonne franquette. Vendredi prochain, ça vous dit, je peux vivre sans pain, mais pas sans amis. La la la la la la.